Le soir descend, porteur de paix et d'amertume. Le sang bat dans les veines, au rythme ralenti de la fin de journée. Les corps sont abrutis, demain matin le ciel se couvrira de brume. Un air calme et cuivré circule entre les corps, se recouvre d'huile et sourit à la mort. Programmés dans leurs gènes et dans leurs habitudes, le cerveau hésite, ivre de solitude. Le soir s'immobilise, le cerf-volant retombe. L'enfant est devant lui, il contemple la tombe. Dans les bâtons brisés, les restes de voilure, dans la parfaite indifférence de la nature. L'enfant fixe le sol, et son âme s'est pure. Il faudrait un grand vent qui disperse le sable, l'océan redondant, il est la chair minable. Il faudrait un vent fort, un vent inexorable. Il faudrait un grand vent qui disperse le sable. Page qui se tourne.